comme un serpent, tapis dans l'odeur jaune d'une jungle de coton. Le sexe prend sa source en cet instant, précieux de toute science, sur la nuit en ricanant. Et le sexe est long à venir et plus long encore à revenir, au-delà de la raison. Le sexe attend son âme comme un serpent, tapis dans l'odeur jaune d'une jungle de coton. Petit à petit, les grands élans s'éloignent, juste assez de poigne pour secouer l'ennui. Et le sexe attend son heure comme un serpent, tapis dans l'odeur jaune d'une jungle de coton. Le sexe prend sa source à cet instant, précieux où la mémoire nous abandonne en ricanant. Et le sexe est long à venir et plus long encore à revenir, au-delà de la raison. Le sexe attend son heure comme un serpent, tapis dans l'odeur jaune d'une jungle de coton. On est formidable. Maniant le bâton, j'ai besoin d'un maître, d'un mal nécessaire, de quelqu'un qui me dise quoi faire. Besoin d'un maître, de dessus le saut, même un mètre 25 ne serait pas de trop. J'ai besoin d'un maître, d'un mal nécessaire, de quelqu'un qui me dise quoi faire. Ah! J'attends que tu m'apprennes. Me tais, me plonge dans l'évier de son règne. Tu me dis quoi faire, ce qu'il faut penser, les alliés à prendre, ceux à refuser, les films d'avoir, les mots qu'il faut dire, le journal qu'il faut croire, l'homme qu'il faut délire et qu'il porte la barbe ou des bottes allemandes. Qu'importe, tu tentes d'apprendre. Tente à voler pour être moi. Et tu portes la barbe ou des bottes allemandes. Qu'importe, tu tentes d'apprendre. T'as volé pour être moi. Merci. Merci, public enthousiaste et chaleureux. Ce troisième morceau est une danse de pluie. Il s'appelle L'Orage. Et permet de ravissants jeux de mots tels que l'orage de raison, l'orage de vivre, yeah. Merci beaucoup. Merci. Ce morceau s'appelle Sale quart d'heure américain. Ce morceau s'appelle Sale quart d'heure américain. Et maintenant, une histoire de Toto. Ce morceau s'appelle donc Sale quart d'heure américain. Elles sont belles, elles sont pures, le reste en fait toujours. 17 ans, mon fuselage, mon sang frein sur mon visage. Talon haut, talon plat, difficile de faire le choix. Et pas loin de 16 cm au moins. Difficile de s'avouer, moyen de la tête aux pieds. Est-ce assez long, assez dur? Si elle suit à mesure qu'elle s'aperçoit, je ne suis pas des amours platoniques, le roi. J'ai tellement honte d'avoir envie, tellement peur qu'elle me dise oui. J'ai 17 ans, je me sens sale, naïf mais pas innocent. Un certain, les impatients m'ont sertu. Ils me font mal, sale quart d'heure américain. Venez transpirer. Ce morceau s'appelle Éléphant. disait Chilita. Mais les bonnes fées me fuient et les rues me promènent au hasard. Un fantôme éméché tend la main vers la lune, un mystère suspendu à ses trois dernières plans. Éléphant, éléphant. Fais ma fuite et les rues me promènent au hasard. Le Seigneur est une suite à la dérive. La nature, une femme au sourire. Salissant. Éléphant. Éléphant. Éléphant. Faire l'amour à une berline allemande. Tu n'es pas une fille, tu toutes les femmes ménagères abusées, les précieuses amandes. Et quand tu causes, j'entends un livre. Oh, tu te chantes, tant de choses. Emmène-moi nager à la source des roses. Toi qui vis plus près de l'essence, toujours plus près de l'os. Tu as vécu, beaucoup vécu, tellement vécu, et nous qui sommes si verts. Tes paroles sont au bol d'expérience de femme, de savoir de mère. Et quand tu poses, j'entends un livre. Tu te chantes, tant de choses. Emmène-moi nager à la source des roses. Toi qui vis plus près de l'essence, toujours plus près de l'eau. We'll be right back. merci. Yeah. Le morceau suivant s'appelle Les Interludes. Ouais, s'il te plaît, dans les retours un petit peu. Ne décrochez pas, nous revenons. Les coquillages m'ont blessé. Mais mon château est terminé. Et maintenant la vague arrive. J'aimerais tant la serrer dans mes longs bras et danser avec elle jusqu'à la fin du soleil. Mais d'évidence, elle s'en balance et j'ai rien. La musique est mauvaise, on se verra demain. J'aimerais tant être un peintre ou un grand écrivain. Mais la peinture s'attache, écrire c'est pénible. Je préfère me dire que je fais tout pour. Et plus j'avance, moins j'ai envie d'en faire. Plus j'avance, moins je peux en faire. La pierre en filigrane et la sueur pour grammaire. Je devrais faire quelque chose. Je devrais masquer mes yeux, murer mes lèvres, plonger dans mon absence. Et je suis si lâche, je sais faire face à ma vie mieux qu'à ma conscience. Mais il y a les lutins qui couchent. Et tous ces petits interludes qui m'aident à passer le temps. Allez, Annie, allons au lit. Nous en reparlerons demain. Et après-demain encore. Et à peine on s'en sort. Que l'on église du bout des mains. Mais il y a les lutins qui courent dans les champs. Tous ces petits interludes qui m'aident à passer le temps.